Section 31 de l'histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270. 1492, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Chapitre 7, deuxième partie. Édouard III et Richard II. Triomphe militaire et désorganisation sociale par Charles Biémont. Gouvernement de Mortimer. Mortimer exerça le pouvoir pendant 4 ans et ne sut s'en rendre digne. Aux Écossais, qui venaient de se soulever de nouveau, il accorda par un traité solennel l'indépendance la plus complète, conclut avec eux une alliance qui cimenta le mariage de leur jeune roi David, fils de Robert Bruce, avec Jeanne, fille d'Édouard II, en mars 1328. S'il avait été guidé par le sentiment de la justice et par le respect des peuples, il faudrait louer cette conduite, mais il ne songeait qu'à jouir en paix du présent. Edmond, comte de Kent, fils d'Édouard Ier et de sa seconde femme Marguerite de France, ayant trempé dans un complot ourdi pour établir Édouard II, qui, disait-on, vivait encore, Mortimer le fit arrêter, jugé, condamné par les pairs comme coupable de haute trahison et décapité en 1330. 6 mois après, c'était son tour. Édouard III, qui l'avait jusque-là tenu comme en surveillance, s'empara de lui par un coup de surprise et, malgré les supplications de sa mère, le fit pendre à Tyburn le 29 novembre 1330. Maintenant, il était roi. Édouard III. Il venait d'avoir 18 ans, il était déjà marié et père d'un fils que fut le célèbre prince noir. Le coup d'état qu'il venait d'accomplir prouve qu'il avait de la résolution et le désir de régner par lui-même. En fait, pendant un demi-siècle, il fit à peu près comme il voulut. Son action personnelle fut très grande, d'autant que ses ministres furent médiocres pour la plupart. Il n'y eut rien d'ailleurs des nobles sentiments de son aïeul. Du pouvoir, il goûta surtout les jouissances matérielles. Édouard Ier avait été avant tout un roi législateur. Édouard III fut un roi guerrier. Mais il fit la guerre pour lui, non pour son peuple. On a pu, sans mensonge, gravé sur la tombe du grand Édouard la devise de sa vie, « Pactum servo ». Édouard III n'hésita jamais à violer ses engagements dès qu'il y trouvait son intérêt. Mais il fut servi à merveille par les circonstances, et il se trouva en définitive que son règne fut l'époque la plus brillante de l'histoire d'Angleterre au Moyen-Âge. Guerre d'Écosse. Dès le début, les troubles d'Écosse fournir une ample matière à ses goûts belliqueux. Robert Bruce était mort en 1329, laissant le trône à un enfant de 5 ans, David II. La faiblesse d'un gouvernement livré à des régents égoïstes permit à Édouard Balliol, fils de John, de débarquer en Écosse et de prendre la couronne. Il s'empressa d'ailleurs de renouveler l'hommage prêté par son père et Édouard III le reçut, au mépris du traité de 1328. Chassé 2 fois, Balliol fut rétabli 2 fois par les Anglais. D'autre part, le roi de France embrassa la cause du jeune David II, qui avait trouvé asile auprès de lui, et bientôt il fut évident qu'une guerre avec la France ne pouvait être évitée que si Édouard III renonçait à l'Écosse. C'est ce que ni le roi ni le peuple anglais ne pouvaient admettre. Un parlement animé de sentiments belliqueux fut assemblé à Westminster le 25 février 1337. La guerre dite de 100 ans sortit de là. Ce n'est pas ici le lieu d'en exposer les causes multiples ni d'en compter les péripéties, mais il faut savoir à l'aide de quelles ressources Édouard put la faire et quelles en furent les conséquences pour le développement antérieur de l'Angleterre. L'armée et la marine. L'armée comprenait d'abord les tenanciers directs de la couronne, barons ou chevaliers, tenus au service militaire à raison de leur hommage, comme ils étaient tenus d'assister au Parlement et convoqués dans les mêmes formes. De Henri II à Édouard Ier, ses vassaux avaient souvent refusé de servir sur le continent. Édouard III n'eut pas besoin d'employer la contrainte. Il admit très volontiers le rachat du service en argent et prit les autres à sa solde. En second lieu, les hommes libres, jouissant d'un certain revenu qui leur permettait de s'équiper à leurs frais, étaient soumis à la même obligation en vertu du serment d'allégeance prêté au roi. Le statut de Winchester, en 1285, avait déterminé la nature des armes offensives et défensives qu'ils devaient avoir en raison de leur fortune. C'était l'ancienne milice, composée surtout de yeomen, ou petits propriétaires et tenanciers de la campagne. Dans la masse de ces miliciens, iurati ad arma, une distinction se fit peu à peu sous l'action du pouvoir royal. De même que tout homme possédant un fief de chevalier d'au moins 20 livres de revenus annuels devait se faire armer chevalier et servir à ce titre. On obligea tout possesseur libre d'une terre de 20 livres de revenus, à quelque condition qu'il l'atteint, d'entrer également dans la chevalerie. Ce système appliqué déjà par Édouard Ier en 1282 et en 1297 développa l'esprit guerrier de la nation et constitua sous Édouard III une ressource longtemps inépuisée pour les expéditions en France. Les barons, chevaliers, tenanciers libres, composaient la cavalerie. Les moins riches parmi les iurati ad arma formaient l'infanterie et fournissaient à l'armée ses archers, ses machinistes, ses mineurs, etc. Depuis Édouard Ier, ils étaient recrutés par des commissaires spéciaux, commissions of array, chargés de lever ou plutôt de presser dans chaque comté le nombre d'hommes nécessaires. De là, des criants abus. Aussi fut-il décidé en 1349 qu'on ne pourrait contraindre personne à trouver des hommes d'armes sans le consentement du Parlement. Mais cette garantie fut souvent illusoire. Si imparfaite ou même barbare que fût encore cette organisation, elle avait du moins un avantage. Elle donnait au roi une armée nationale, unie comme la nation l'était elle-même, non permanente sans doute, mais composée des gens constamment entraînés et exercés. Il en était de même pour la flotte. En temps de guerre, le roi n'avait qu'à ordonner aux ports de son royaume, et surtout aux barons de cinq ports de la Manche, d'armer le nombre de vaisseaux fixé par la coutume pour qu'il eût immédiatement à sa disposition une importante force navale. Ces marins étaient d'autant mieux préparés à la guerre qu'à l'ordinaire, ils étaient plus de moitié pirates. Pour discipliner et diriger ces éléments trop souvent indociles, Édouard Ier avait établi trois amiraux permanents en 1306. Il n'y en eut plus qu'un en 1360. Édouard III loua des vaisseaux à l'étranger, mais ici encore ce sont des Anglais combattant pour une cause anglaise qui firent la supériorité de la flotte. L'occupation de Calais en face de Douvres lui donna un double point d'appui qui parut inexpugnable, et Édouard III fut réellement le roi de la mer. Les finances, l'emprunt et l'impôt. Pour subvenir aux frais de la guerre, Édouard III ne pouvait compter sur les revenus de ses domaines, tout à fait insuffisants. Il vécut d'emprunt et d'impôt. Les marchands italiens, qui avaient accaparé la banque depuis l'expulsion des Juifs, lui prêtèrent des sommes considérables. En 1347, l'année de la prise de Calais, il ne devait pas moins de 1 500 000 florins d'or aux maisons Bardi et Peruzzi de Florence, qui d'ailleurs ne furent jamais remboursés. Quant à l'impôt, Édouard le demanda soit au Parlement assemblé en entier, soit au clergé réuni en convocation, soit aux marchands, dont les délégués furent plus d'une fois sommés de venir au Parlement, ou avec lesquels ils traitaient comme de puissance à puissance. L'impôt fut assis soit sur les revenus des biens mobiliers, soit sur la vente de la laine. Ainsi, l'on attribuait au roi tant de sous par sac de laine, ou bien un certain nombre de sacs. En 1339, 20 000 sacs, c'est-à-dire la moitié du produit de toute la laine du royaume. 30 000 en 1340, ou bien comme en 1340, la neuvième toison, la neuvième peau et le neuvième agneau. Le commerce et l'industrie. Ces lourdes charges, le pays les supporta d'abord sans trop de peine. C'est parce que la guerre était populaire et aussi le roi, qui la faisait avec tant de bonheur. Parce que le pillage de la France apportait gros aux vainqueurs. Surtout aussi parce que l'industrie et le commerce prirent un remarquable essor et que le roi sut y aider par une législation opportune. Depuis la Carta Mercatoria accordée aux marchands étrangers par Édouard Ier en 1303, ceux-ci pouvaient résider en Angleterre sans condition de temps et des lieux. En 1351, ils obtinrent le droit de vendre même au détail. C'est donc jusqu'alors les bourgeois de chaque ville, associés en guildes, s'étaient réservé le monopole. Pour fortifier leur position, ils s'unirent entre eux. Les marchands de plusieurs villes des Pays-Bas formèrent une vaste ligue connue sous le nom de Hans de Londres. C'est par leur intermédiaire que se faisaient les achats de laine dans les foires et marchés du royaume et les importations des draps et des étoffes précieuses fort recherchées de la haute noblesse, des gens de la cour et même de la bourgeoisie. Quant aux marchands de la Hanse teutonique, ils avaient à Londres, sur les bords de la Tamise, une sorte de quartier fermé de murs appelé Steelyard, où se trouvaient leurs quais, leurs docks, leurs hôtels. C'était un vaste entrepôt où s'entassaient les marchandises du Nord. Mais les Anglais ne laissèrent pas le commerce extérieur aux mains de ces étrangers. Ils avaient un magasin, Staple, des marchandises anglaises, de la laine par exemple, qu'ils allaient échanger au loin contre des draps, des épices, etc. La royauté, pour rendre plus facile la levée de l'impôt sur la laine, désigna un certain nombre de villes anglaises où ces opérations devaient se faire à l'exclusion des autres, en 1353. Ce sont les villes de l'étape. Puis le service de l'étape fut transporté à Calais, à Bruges ou ailleurs, suivant les nécessités diplomatiques du moment. Les maires de l'étape devaient régler les différends entre les marchands, fixer le prix minimum des marchandises et surtout surveiller la perception de l'impôt accordé au roi. Les marchands de l'étape trafiquaient surtout de la laine et des draps, mais à côté d'eux, les mercers emportèrent la soie et les marchands de poivre, toutes sortes d'épices. Ces derniers ne faisaient que le commerce en gros, d'où leur nom de grocers. Ces compagnies grandirent en importance pendant la seconde moitié du XIVe siècle. C'est d'eux que procèdent les marchands à l'aventure du XVe et par suite l'expansion maritime de l'Angleterre. Enfin, l'industrie tentait ses premiers efforts pour lutter contre la fabrication étrangère. Les draps manufacturés sur le modèle de ceux de Worsted, Norfolk, furent pendant tout le règne d'Édouard III un article très rémunérateur. Il y eut de grosses fortunes édifiées en peu d'années. La marque extérieure des progrès accomplis par l'industrie et le commerce est la monnaie d'or, définitivement introduite en Angleterre par Édouard III. Et l'esprit pratique des Anglais en pareille matière se révèle dans la législation du Parlement, attentive à maintenir la bonne fabrication des espèces monétaires. De Henri III à Henri VIII, on peut dire que la monnaie ne fut pas altérée. Pendant que grandissait le prestige personnel d'Édouard III, les classes de la nation, jusqu'alors unies contre l'omnipotence royale, se désagrégeaient. Leur rivalité affaiblirent l'opposition et rendirent stériles en partie les progrès accomplis par le Parlement. Les classes de la société, clergé de cour et noblesse de cour. Au XIIIe siècle, le clergé avait tenu la tête de l'opposition parlementaire. Il déserta ce rôle au XIVe. Le dernier grand conflit éclata en 1341 lorsque l'archevêque de Canterbury, John Stratford, protesta contre l'avidité financière du roi. Mais on s'en tint à une guerre de pamphlets. Depuis lors, on peut considérer le grand rôle politique du clergé comme terminé. Cela tient à plusieurs causes. D'abord, le fécond mouvement religieux provoqué par les dominicains et les franciscains. C'était ralenti. Les ordres mendiants, devenus fort riches, tombèrent dans la mollesse. C'était la science théologique et l'austérité des mœurs qui avaient poussé au pouvoir les plus célèbres prélats du XIIIe siècle. Au XIVe, ce fut la naissance, On vit en Beaumont, cousin des rois de France et d'Angleterre, évêque de Durham, en Montacut, évêque de Worcester. Trois Stratford occupèrent en même temps les sièges de Canterbury, de Chichester et de Londres. Les prélats d'opposition firent place aux prélats de cour, et ce que ceux-ci gagnèrent en puissance temporelle, ils le perdirent en autorité morale. D'autre part, la tendance qui depuis si longtemps poussait le clergé à former un ordre tout à fait à part dans l'État ne fit que s'accentuer. Il avait déjà ses tribunaux particuliers, ses conseils et synodes provinciaux. Il était souvent taxé à part. Depuis Henri III, il eut ses assemblées propres ou convocations. Et bien qu'il continue pendant tout le XIVe siècle d'être représenté dans les deux chambres du Parlement, il montre plus de zèle pour les intérêts de son ordre que pour ceux du pays. Dans la noblesse opère un mouvement à certains égards analogue. Les grandes familles baroniales, avec lesquelles le roi avait dû si souvent compter au XIIe et au XIIIe siècle, celles qui remontaient au temps de la conquête et qui pouvaient prétendre qu'elles tenaient leurs droits de leur épée, s'éteignirent peu à peu. Les principales disparurent sous Édouard Ier. Leurs fiefs, tombés en déshérence, servirent à constituer comme des apanages aux membres de la famille royale. Édouard fonda, pour ainsi dire, une nouvelle noblesse. En 1337, il créa les six comtes de Derby. Henri de Lancastre, frère de Thomas, le martyr de 1322, de Gloucester, de Northampton, de Salisbury, de Huntingdon et de Suffolk, et il donna le titre de duc de Cornouailles à son fils aîné. Ce titre de duc, inconnu jusqu'alors en Angleterre, fut ensuite conféré à Henri de Derby, qui devint duc de Lancastre en 1351, et au fils du roi, Lionel, duc de Clarence, et Jean de Gand, gendre de Henri de Lancastre, 1362. Cette noblesse des princes du sang donna un grand lustre à la couronne avant de devenir le fléau de l'Angleterre au XVe siècle. Autour d'elle se groupa une noblesse de cour enrichie par les libéralités royales et par le pillage de la France. Et bientôt la cour d'Édouard III l'emporta sur les plus brillantes de l'Europe. Le roi lui-même aimait les fêtes, les festins, les tournois. Son fils aîné, le prince noir, nous apparaît dans les récits de Froissart comme la fleur de la chevalerie. C'est pour ajouter encore à l'éclat de cette opulente noblesse qu'Édouard III institua l'ordre de la jarretière, qui naît de circonstances plus qu'à moitié légendaires, se trouva définitivement constituée en 1349. Les deux chambres du Parlement. Plus s'accentua ce caractère mondain et chevaleresque, plus profonde se creusa la séparation entre les lords et les prélats, d'une part, et le reste du peuple, d'autre part. La scission ne tarda pas à se manifester aussi dans le Parlement, qui était alors l'image fidèle de la nation. Une assemblée composée comme celle de 1295 ne pouvait subsister parce qu'elle était formée d'éléments hybrides. Et en effet, dès les premières années d'Édouard III, on ne saurait donner une date précise. Les grands, laïcs et ecclésiastiques, membres de droit du Parlement, se séparèrent des membres élus. Les deux groupes prirent l'habitude de délibérer séparément et formèrent ce qu'on appela bientôt la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Leur pouvoir était d'ailleurs très dissemblable. Les lords étaient convoqués pour traiter des affaires de l'État et donner au roi leurs conseils, les députés pour consentir et pour exécuter. Mais le nombre des premiers ne cessa de diminuer. Il était en moyenne de 74 sous Édouard II. Il fut seulement de 43 sous Édouard III. Leur petit nombre les rendait d'autant plus maniables. Au XVe siècle, il est vrai, l'usage s'introduisit d'appeler toujours les mêmes lords ou leurs héritiers directs à la Chambre haute, qui se trouva dès lors constituée avec son caractère moderne. Mais ce n'était pas encore la règle à l'âge précédent. Les lords continuaient de former le conseil nécessaire de la royauté. Quant aux communes, si elles avaient quelque chose à demander, elles le faisaient humblement, par voie de pétition. Mais comme d'autre part on ne pouvait se passer de leur consentement pour l'impôt, elles ne le votaient d'ordinaire qu'à la fin de la session et quand satisfaction avait été donnée à leur demande. Par là, elles s'immiscèrent peu à peu dans l'administration intérieure et dans la politique générale du royaume. Leurs progrès furent lents d'ailleurs. Trop souvent, au XVe et au XVIe siècle, on les verra, comme au XIVe, enregistrer docilement les actes les plus arbitraires de la royauté, les coups d'État les plus insolents. En face d'un parlement divisé, un roi politique aurait pu oser beaucoup. Édouard III, satisfait de l'argent qui lui prodiguait malgré quelques murmures, lui fit de nombreuses concessions. Il abolit la loi d'anglaiserie, consentit à ne plus lever la taille dans ses domaines en 1341, transforma en une concession parlementaire les droits d'exportation et d'importation en 1353, les taxes sur la laine, le droit de prise sur les vins, abolit le droit de pourvoyance, par lequel les agents du roi en déplacement prenaient aux particuliers non seulement le logis, mais les vivres et les chevaux, sans payer, en 1362, etc. Chaque session amenait des tiraillements nouveaux, mais vers 1344, la coutume s'introduisit au Parlement d'accorder des subsides pour 2 ou 3 ans à l'avance, ce qui dispensait le roi de le convoquer chaque année. C'est un précédent que les successeurs d'Édouard III n'eurent garde de négliger. Soumission de l'Écosse. Ces luttes pour des points de détail agitèrent médiocrement le pays. Il était tout à la guerre. L'année même de Crécy, l'Écosse avait repris les armes. Il y avait 4 ans que David Bruce, encouragé et secondé par le roi de France, avait chassé le vassal d'Édouard III en 1342. À l'instigation de Philippe VI, il voulut profiter de l'absence des meilleures troupes anglaises pour envahir le royaume voisin. Mais il se fit battre à Neville's Cross par les milices du Nord. Il tomba lui-même aux mains des vainqueurs et fut enfermé à la Tour de Londres en 1346. Édouard III l'en fit sortir 11 ans plus tard quand, après Poitiers, il fut convaincu que l'Écosse n'avait plus rien à attendre de la France. Encore exigea-t-il une rançon de 100 000 marks sterling à payer en 10 termes annuels et 20 otages pris dans les plus illustres familles en 1357. Mais la meilleure garantie pour Édouard était dans le caractère même de David Bruce, qui s'était laissé gagner par les séductions de la cour anglaise durant sa captivité dorée et qui en témoigna sa reconnaissance en ne remuant plus. La peste noire et la crise des salaires. Entre Crécy et Poitiers, l'Angleterre fut visitée par la peste noire. Elle apparut d'abord dans les comtés du sud-ouest et ravagea l'île entière pendant plus de 6 mois, 1349-1350. Le fléau trouva un terrain tout préparé dans un pays où les villes, mal percées et mal pavées, étaient malsaines, où les paysans étaient mal nourris et vivaient dans une promiscuité dangereuse avec leurs animaux. On dit qu'il enleva la moitié de la population et par endroits même les 2/3. Il fut suivi d'une crise économique redoutable qui affecta particulièrement ceux qui vivaient du travail de la terre. À cette époque, les véritables producteurs de la richesse nationale. On sortait d'une période de prospérité à la famine de 1315-1316, qui avait causé une grande mortalité chez les hommes et chez les animaux, avait succédé une série de bonnes années. Les salaires avaient augmenté d'au moins 1/5 et peu à peu l'habitude était répandue dans les exploitations agricoles ou manoirs de remplacer les prestations en nature par les redevances en argent. Après la peste noire, la main-d'œuvre étant devenue très rare, les ouvriers exigèrent des salaires très élevés. C'était presque la ruine pour nombre de petits propriétaires qui exploitaient directement leurs terres. Et comme ils formaient la partie la plus influente de la classe moyenne représentée au Parlement, ils demandèrent et obtinrent le statut des ouvriers, Statute of Laborers, en 1350. Cette loi fixait les salaires au prix qui avait été payé en 1347, autorisait les seigneurs à exiger de leurs tenanciers les services en nature imposés par l'antique coutume domaniale, interdisait de faire l'aumône aux ouvriers en état de travailler. En un mot, il resserrait d'une façon oppressive les liens du servage dans les campagnes et des corps de métier dans les villes. Mais il était trop contraire à l'état des mœurs pour être régulièrement appliqué. Il fallut payer de hauts salaires pour retenir les ouvriers à la charrue ou au métier. Sinon, ils prenaient la fuite. Les uns s'enfuyaient dans les villes où ils pouvaient trouver plus facilement du travail libre. Les autres vivaient de vagabondage. Le mal s'accrut encore après des nouvelles apparitions de la peste en 1361, 1369, 1373. Et l'on n'y trouva pendant longtemps d'autre remède que de remettre en vigueur le statut de 1350. Il fut maintenu jusqu'aux sous Élisabeth. L'autorité publique, stimulée sans cesse par le Parlement, ordonna des poursuites, des arrestations, des vexations de toutes sortes, qui sémèrent dans le bas peuple des germes de révolution. D'autre part, certains seigneurs, pour échapper aux soucis de cette crise perpétuelle des salaires, renoncèrent à l'exploitation directe de leurs manoirs. Ils louèrent leurs terres à des fermiers, et l'ancien régime manorial, que la Fleta et le traité de Walter de Henley avaient décrit au temps d'Édouard Ier, disparut rapidement. La littérature nationale. Si les classes de la société se divisent, l'âme du peuple anglais est une. Après avoir, pendant trois siècles, si fortement subi l'influence étrangère que son génie propre en avait été comme étouffé, l'Angleterre s'émancipa définitivement vers Édouard III. Quand ce prince, en 1340, prit le titre de roi de France, il dut à la requête du Parlement déclarer que ses sujets ne lui devaient obéissance qu'en qualité de roi d'Angleterre. Dans ses manifestes guerriers, il soulevait la nation en l'animant contre l'ennemi qui prétendait abolir ceux de langue anglaise. Il fut dans toute la force du terme un roi national. Il ordonna l'usage de l'anglais dans les tribunaux en 1362, et quand le Parlement fut ouvert l'année suivante, c'est en anglais que le chancelier prononça le discours d'usage. Le français continua d'être le langage de la cour et de la bonne société. Mais il cessa d'être la langue littéraire. C'est au moment même où la Chambre des communes se constitue définitivement que naquit Chaucer, le père de la littérature anglaise, en 1340. Enfin, les brillantes victoires remportées par le peuple anglais contre ses rivaux de France donnèrent le branle aux imaginations et la poésie nationale jaillit d'un sol où n'avait poussé jusque-là que des greffes étrangères. La littérature qui naît ainsi de la guerre ne puise pas cependant ses inspirations dans la guerre. La seule œuvre où l'on ait voulu fomenter la haine contre les Français est un poème en français, Le vœu du héron, Laurence Minot qui célébra en vers anglais les victoires emportées par Édouard III. De 1333 à 1352 est plutôt un chroniqueur qu'un poète. Les autres, ceux dont les œuvres comptent vraiment, qui ont illustré la seconde moitié du XIVe siècle, sont des moralistes, moralistes gaiement satiriques comme Chaucer, l'écrivain génial, le peintre charmant des mœurs de son temps, ou pompeux et déclamatoires comme John Gower, le poète favori de Richard II, ou bien mystiques comme William de Langland, l'auteur mal connu d'une laborieuse allégorie sur le Christ personnifié dans Pierre le laboureur. Langland qui acheva son poème sous sa première forme vers 1362 se proposait d'enseigner aux hommes le chemin de la vertu. Le guide qu'il donne aux pécheurs repentants, il va le chercher non dans l'église officielle mais dans l'humble classe de paysans. Par là il annonce Wycliffe. Wycliffe. Les origines de Wycliffe sont fort obscures. Il paraît être né vers 1320, 20 ans avant Chaucer, dans un petit village du comté de York dont il porte le nom. Sa famille y possédait le manoir avec le droit de présentation à la cure. Il fit ses études à Oxford qui, au XIVe siècle, posséda d'illustres docteurs. Il suffira de nommer Guillaume d'Ockham, franciscain intransigeant et fougueux adversaire des prétentions politiques de la papauté. Les écrits d'Ockham, inspirés en partie de Marcille de Padoue, furent les sources premières où Wycliffe puisa ses idées sur les rapports entre l'Église et l'État. Théologien renommé, il fut en 1366 invité à paraître au Parlement pour donner son avis au sujet du tribut annuel que depuis le roi Jean, l'Angleterre devait à Rome. La question n'était pas nouvelle, elle avait même été résolue en fait quand, après la mort du pape Jean XXII, en 1334, le roi eut cessé de payer le tribut. Mais en droit, elle restait ouverte. Or, le roi victorieux de la France et affranchi par le traité de Brétigny de tout vassalage envers elle, pouvait-il se reconnaître comme le vassal du pape, du pontife qui, réfugié dans Avignon, était soumis à l'influence française, alors que le pays était accablé d'impôts pour la guerre de France? Pouvait-il tolérer qu'une partie de l'argent anglais fût envoyée régulièrement au pape sous forme d'anat, de premier fruit, de denier de Saint-Pierre? À une époque où le clergé occupait la première place dans le Parlement national, devait-on souffrir l'abus, tant de fois dénoncé au XIIIe siècle, des bénéfices conférés directement par le pape à des étrangers? D'une manière plus générale, enfin, de quel droit le pape intervenait-il dans les affaires intérieures du royaume, tant qu'il s'agissait uniquement des empiétements reprochés à la cour de Rome? Il y avait, même dans le clergé anglais, un consentement presque unanime pour protester. Et Wycliffe exprima l'opinion à tout le moins des séculiers dans son traité De Dominio, où il s'efforça de prouver que la promesse de Jean sans terre était nulle, car la nation était souveraine et aucun contrat ne pouvait être passé en son nom, sans son consentement. Les circonstances vont bientôt l'entraîner plus loin. Jean de Lancastre et le bon Parlement. Le règne d'Édouard III finit tristement. La reine Philippa, qui lui avait donné 13 enfants, mourut en 1369, et peu après, le roi se laissa entraîner à l'amour d'une aventurière, Alice Perers. Il était déjà vieux avant l'âge et perdit promptement le peu d'activité qui lui restait. Parmi ses fils, l'aîné, le prince noir, était revenu de France après le sac de Limoges, avec une santé si délabrée qu'il lui fut impossible de prêter une attention soutenue aux affaires. Le second Lionel, duc de Clarence, était mort en 1368. Le troisième, Jean de Gandes, duc de Lancastre, était un intrigant sans mérite personnel, mauvais politique, chef d'armée toujours malheureux, avide et dépravé. C'est ce dernier cependant qui voulut gouverner, mais il ne sut que se faire chef de parti. Il connaissait Wycliffe sans doute depuis le Parlement de 1366. Il l'avait retrouvé aux conférences de Bruges en 1375, où l'on essaya sans résultat d'ailleurs de négocier un concordat avec le pape. Il en fit son homme et le soutint jusque dans l'hérésie. Cette conduite le rendit bientôt impopulaire et c'est elle qui fut indirectement mise en cause par le bon Parlement en 1376. Les députés des communes furent entendre leurs griefs par la voix d'un brave et honnête chevalier, Pierre de Lamarre, qui est le premier speaker mentionné dans l'histoire. Ils étaient d'ailleurs ouvertement appuyés par le prince de Galles, adversaire déclaré du parti de la cour. Ils obtinrent la mise en accusation des deux ministres les plus compromis et le bannissement de la maîtresse du roi. Ils présentèrent en même temps de nombreuses pétitions sur toute matière de politique et d'administration. Ils demandèrent par exemple des parlements annuels, des élections régulières, des shérifs élus chaque année, au lieu d'être nommés par l'échiquier, le respect du statut sur les ouvriers, etc. On eût dit que les communes voulaient tout réformer dans l'État. Par malheur, le prince noir mourut le 8 juin, et quand le Parlement fut licencié le 6 juillet, Lancastre resta maître de la situation. Il n'y eut rien de plus pressé que de renverser l'œuvre du bon Parlement. Alice Perers revint à la cour et Pierre de Lamarre fut jeté en prison. Des élections frelatées c'est le premier exemple de pression électorale, donnèrent à Jean de Gand une assemblée toute à sa dévotion. Le clergé fit bien entendre quelques protestations contre les impôts demandés, mais il s'effraya de sa propre hardiesse et vota tout ce qu'on voulut. Son rôle politique était fini. La mort d'Édouard III le 21 juin 1377 vint enfin mettre un terme à la désastreuse influence du duc de Lancastre. Mort d'Édouard III. Édouard III eut le malheur de se survivre à lui-même, mais jusqu'à son dernier jour, son peuple l'aima. Il oublia ses fautes et lui fut reconnaissant d'avoir été avec éclat un roi vraiment anglais, de l'avoir relevé d'une double humiliation, celle du vassalage romain et celle du vassalage français, d'avoir placé l'Angleterre au premier rang des nations par ses victoires et l'éclat de sa cour. C'est sous Édouard III que s'était définitivement affranchi son génie guerrier, mercantile et littéraire, et il lui en attribua, non sans quelques raisons, le mérite. Révolution religieuse, les Lollards. À sa mort, une double révolution se préparait. Wycliffe menait la première. Après avoir combattu l'autorité du pape en matière temporelle, il avait attaqué son autorité spirituelle, la hiérarchie de l'Église catholique, les ordres mendiants. Il avait professé que les rois pouvaient légalement prendre les biens des ecclésiastiques qui en faisaient un mauvais usage. Ses opinions furent condamnées par une bulle du pape Grégoire XI en novembre 1377. Lui-même, il fut cité devant un tribunal ecclésiastique à Lambeth, mais la protection de la princesse de Galles, mère du petit roi Richard II et de Jean de Gand, l'ardente sympathie du peuple de Londres pour le champion du parti anticlérical, la crainte d'une émeute qui énerva le courage de ses ennemis, le sauvèrent. Il en fut quitte pour un simple avertissement. Cette victoire l'enhardit. Convaincu que Dieu avait parlé clairement aux hommes dans ses écritures, que des prêtres corrompus par le péché étaient hors d'état d'en comprendre et d'en expliquer le sens, il voulut mettre la Bible à la portée de chacun et se mit à la traduire en anglais. En même temps, il fit prêcher la simple parole de l'Évangile par des prêtres vêtus d'une peau de mouton à laine rousse avec un large chapeau et des sandales. Ces pauvres prêtres, ces rousseaux, comme on appela ces missionnaires d'un nouveau genre, allèrent porter la bonne parole chez les pauvres gens si négligés par l'Église officielle, et ils eurent bientôt des nombreux adhérents. Les orthodoxes les appelèrent de Lollards, comme s'ils avaient semé l'ivraie, l'olium, dans le champ du Seigneur. De ces pauvres prêtres, on ne connaît rien que leurs œuvres. Ils jouèrent un rôle souterrain, à peine visible, mais efficace dans l'insurrection des paysans. Révolution sociale, les paysans. Les causes de cette insurrection ont été indiquées par avance. On sait le trouble jeté dans ces campagnes par la peste noire et par le statut de 1350, sans cesse renouvelé. D'autre part, les fermiers qui profitaient de la détresse où s'étaient trouvés les seigneurs et que de bonnes années avaient enrichi, souffraient maintenant de la lourdeur des impôts et détestaient le gouvernement incapable et prodigue qui les réclamait. On s'irritait surtout de la capitation, taxe nouvelle qui frappait toute personne au-dessus de 16 ans. C'était comme un autre denier de Saint-Pierre et aussi odieux que lui. Cet impôt, poll tax, avait été levé pour la première fois peu après l'avènement de Richard II. Il fut renouvelé en 1380 à la demande des membres les plus influents du Conseil royal, Jean de Gand, Sudbury, archevêque de Canterbury, et le trésorier Sir Robert Hall. La perception fut si dure que les paysans se soulevèrent. Les uns voulaient s'emparer du roi, lui imposer des meilleurs ministres et des meilleures lois. Les autres brisaient les liens du servage qu'on avait resserrés. L'explosion eut lieu dans plusieurs comtés à la fois, presque le même jour, comme si un mot d'ordre avait été donné. D'abord en Essex et en Kent, puis en Herts, en Suffolk et en Norfolk, en juin 1381. Les insurgés n'avaient pas un chef, mais plusieurs. Le principal paraît avoir été un prêtre, disciple de Wycliffe, John Ball, qui vivait en Essex, où il prêchait beaucoup d'erreurs et de scandales. Ceci par exemple que le servage était contraire à la volonté des dieux. Quand Adam péchait et qu'Ève filait, qui donc était gentilhomme? Il venait d'être mis en prison par l'ordre de Sudbury. La première chose que firent les gens de Kent, ce fut de le délivrer et de le mettre à leur tête. Il eut bientôt sous ses ordres plusieurs dizaines de milliers d'hommes, misérablement armés, dans les rangs desquels on distinguait Wat Tyler d'Essex, qui avait fait la guerre en France, et Jack Straw, qui proposait de résoudre la question sociale en tuant les seigneurs, les évêques, les moines, les chanoines et les curés. Quand le niveau aurait ainsi passé sur les plus hautes têtes, chaque comté se donnerait un roi. Mais en attendant, Richard II serait le roi de la Révolution. Les insurgés formèrent bientôt deux grandes masses. Ceux du sud se donnaient rendez-vous à Blackheath et ceux de l'est à Mile End. Le jeune roi, il avait alors 16 ans, montrant un courage audacieux et tranquille alors que ses conseillers désespérés, alla trouver les premiers et par des belles promesses, leur persuada de retourner chez eux. Cependant, les gens de Kent entrèrent dans Londres, brûlèrent le palais de Jean de Gand, rempli de dépouilles de France et de Castille, forcèrent l'entrée de la tour et mirent à mort le chancelier, Sudbury, et le trésorier. On ne dit pas qu'ils aient pillé, mais les hommes de loi tremblèrent pour leur vie. Il n'était pas bon alors, dit un contemporain, d'être rencontré avec un encrier pendu à la ceinture. Le roi convia leur chef à une conférence à Smithfield. Wat Tyler y parla avec tant d'insolence que le maire de Londres, William Walworth, le perça de son épée. Et comme la foule criait vengeance, le roi se jeta devant elle en déclarant qu'il voulait se mettre à sa tête. Il réussit à l'éloigner et à la dissiper en faisant délivrer à ceux qui le demandaient des chartes d'affranchissement le 15 juin. D'autres désordres avaient éclaté simultanément à Saint-Alban, où les moines furent obligés de livrer leurs chartes, qui furent brûlées, à Bury St. Edmunds, à Norfolk, à Leicester. Mais la nouvelle de la mort de Wat Tyler effraya les mutins. Et le 20 juin, l'insurrection pouvait être considérée comme terminée. La répression. Condamnation. De Wycliffe. La répression commença aussitôt, mais elle ne fut pas partout égale. Là où elle vint, comme en Norfolk et en Suffolk, de l'initiative privée, elle fut sanglante. Ailleurs, comme dans le Hertz, où elle fut dirigée par des pouvoirs publics, elle fut modérée. John Ball et Jack Straw furent arrêtés et pendus. Le Parlement annula les chartes d'affranchissement concédées par le roi et ordonna que toutes les obligations féodales fussent acquittées avec ponctualité. Wycliffe, considéré comme le principal fauteur de la révolte, bien qu'il n'y eût pris aucune part personnelle, fut persécuté de nouveau. Il en était arrivé, dans ses 12 thèses sur l'Eucharistie, 1381, à toucher au dogme catholique par excellence, à nier la transsubstantiation. Le nouvel archevêque de Canterbury, William de Courtenay, le traduisit devant un synode, tenu à Londres en 1382, et connu sous le nom de Concile du Tremblement de Terre. Jean de Gand l'abandonna et il fut condamné en 1382. Il lui fut défendu d'enseigner. Il se retira dans la cure de Lutterworth, où il composa son principal ouvrage, le Trialogus. Et il finit ses jours obscurement, en 1384. Cette condamnation frappa indirectement aussi l'enseignement d'Oxford, qui à l'avenir fut surveillé de près. Depuis ce temps, les études y tombèrent en décadence. Wycliffe fut le dernier de ces grands docteurs avant la Renaissance. Mais c'était un précurseur. Il avait jeté les bases de la religion moderne, comme il avait créé la prose anglaise. Richard II. Son règne, sa déposition. Cette tourmente avait compromis la fortune politique de Jean de Gand. Il resta désormais au second plan. La direction du parti constitutionnel qu'il n'avait pas su organiser fut prise par son frère Thomas de Woodstock, duc de Gloucester. Celui-ci, dans le roi en tutelle, par-delà même l'âge de sa majorité. Mais en 1389, il fut lestement congédié. et le roi commença de gouverner par lui-même. Il régna d'abord sagement, en bonne intelligence, avec son parlement et en paix avec la France. Par malheur, c'était un esprit mal équilibré, capable de résolutions énergiques mais non d'y persévérer. Doux et affable pour ceux qui l'entouraient, mais enclin aux soupçons, violent et cruel envers qui lui était suspect. En 1396, veuf d'Anne de Bohême, il épousa Isabelle de France, fille de Charles VI, et conclut avec son beau-père une trêve de 28 ans en lui rendant Brest et Cherbourg. Cette concession était en politique et fit beaucoup de mécontents. Richard crut à l'existence d'un complot et en frappa les chefs, réels ou imaginaires. Le comte de Warwick fut exilé dans l'île de Man, le comte d'Arundel décapité. Le duc de Gloucester fut enfermé à Calais, où il mourut bientôt assassiné. Par ordre de son neveu, en 1397. De lors, il sembla que Richard eût perdu tout bon sens. Il bannit sans raison son cousin, Henri de Lancastre. Quand le père de celui-ci, Jean de Gandes, vint à mourir, il lui refusa contre tout droit son héritage. Puis il commit la faute de s'éloigner pour conduire en Irlande une expédition qui d'ailleurs fut stérile. Alors, Henri de Lancastre débarqua en Angleterre, les armes à la main. Tous ceux qui craignaient la tyrannie se rangèrent de son côté. Richard, abandonné par les siens, fut pris au château de Conway et conduit à la tour. Là, craignant sans doute le sort d'Édouard II, il consentit à abdiquer, le 30 septembre 1399. Alors Henri de Lancastre, dans un discours qu'il prononça en anglais, dans le Parlement, revendiqua pour lui la couronne non comme petit-fils d'Édouard III, mais comme héritier de Lancastre, descendant d'Edmond, fils cadet de Henri III. Prétention au moins étrange. Que le Parlement admit cependant. Il déposa Richard II, atteint et convaincu d'avoir gouverné illégalement, et proclama roi le duc de Lancastre, qui prit le nom de Henri IV. Fin de la section 31.